À Barème, on nous appelle, vous savez comment on nous appelle? Le sobriquet des Barémois. Les pas ou tous. Les boueux. Pourquoi? Eh bien, la digue, vous savez la digue au long de la rivière, là, elle a été faite en 70 par la guerre avant. Hein. En quelle année? 1870. Ah oui, 1870. Et avant, chaque fois qu'il y avait un orage sur plus même plus haut, que la rivière venait grosse, venait trouble, elle venait faire un tour dans les rues du village. Là. Chaque fois. Alors quand elle se retirait, de les un paquet de boue. Ah d'accord, d'où les pontous. D'où les pontous. D'accord. Même les pontous. Voilà, on a enfin voilà. Prendre des choses, genre. Mais je ne savais pas que c'était ça. Je ne savais pas. Non, eh non, mais si, le surnom, je savais pas. Mais je ne savais pas, moi non plus. Je ne savais pas l'anecdote de la rivière qui venait se déposer dans les rues du village.